Nouveauté d'Ariane Moffat, c'était jeudi 17 mai, alors qu'aujourd'hui, nous sommes lundi le 26 janvier. Comme à chaque lundi, on va aller parler avec Yannick qui est au bout du fil. Bon matin, Yannick. Bon matin, Carl, ça va? Ça va très très bien, toi? Oui, t'as de l'air en forme ce matin, pas trop magané, très pépé. Ouais, bon, ben c'est bon, ça c'est bon signe. Pourtant, je me suis levé encore en retard ce matin. C'est toi hier qui t'aurais endormi par hasard en première ou en deuxième période, qui t'aurait fait coucher plus de bonheur? Ben, ça se pourrait, ça, Yannick, parce que honnêtement, je ne l'ai pas regardé au complet. On s'est parlé un peu plus tôt, toi et moi, mais tu me disais qu'à la fin du match, c'était mieux. C'était un petit peu mieux. Effectivement, le match des étoiles hier qui a duré environ, je pourrais dire, pour être généreux, un 7 minutes, là, les trois premières périodes, ça a vraiment été comme relax. On dirait, quand ils sont arrivés à la dernière minute de jeu, à la troisième période, là, les gars ont vraiment commencé à jouer. Avoir du fun. Autre que ça, ben, il se passait à la puck. Il l'envoyait dans le fond du but. Là, OK, ben, c'est à moi, fait que c'est à toi. Là, tu voyais l'Ouest qui partait. Oups, mais un but. Tu sais, la première période qui s'est finie, je pense, je me rappelle bien, 6-2. En deuxième période, on était 8-8. Et ça a terminé en 12-11. Hey, 23 buts. Oui. 19 marqueurs. Oui, puis des beaux buts aussi. Par contre, j'ai trouvé que moi c'est le jeu en défensive que j'ai pas aimé. Je trouvais que les défenseurs dormaient au gaz parce que moi je l'ai écouté en fait la deuxième, un petit peu du début de la troisième. Puis je trouvais que c'était trop facile de bourdonner dans le territoire adverse, Yannick. Oui, mais dis-toi que hier les joueurs étaient pas là pour se blesser. Non, c'est sûr. Au match des étoiles, ça peut coûter très cher à une saison. Donc le monde était là pour s'amuser. Donc c'est ça. Il faut comprendre que derrière le match des étoiles, oui, c'est un spectacle, mais il y a un contexte aussi derrière ça. Mais j'aime mieux regarder une bonne partie de hockey, exemple là, entre deux bonnes formations, un match de hockey entre les Red Wings de Détroit, les Sharks de San Jose, malgré que ça peut terminer 6-1 comme ça s'est terminé il y a quelques mois. Mais quand même, j'aime mieux regarder un match de hockey avec de bonnes mises en échec, avec des beaux jeux en défensive. Hier, c'était plus un petit spectacle, mais c'est un party, je pense, hein, plus qu'autre chose. Et au Centre Bell, c'était tout un party, notamment avec la présence de Vincent Le Cavalier. Ouais, ben, tu sais ce que je me suis demandé, le rendu à la fin de la deuxième. Coudonc, c'est-tu un party pour les joueurs? C'est-tu un party pour le public? Parce que je voyais pas vraiment de show. Une chose que j'ai vue, par exemple, hier, j'ai compris ce qui se passe avec les Bruins de Boston. Oui. Parce que depuis le début de la saison, je le dis puis je le répète, les Bruins n'ont jamais quitté les séries. Ça joue du hockey de série. Puis j'ai su hier pourquoi ils gagnaient des matchs. Tim Thomas a prouvé que c'est un super de bon gardien de but. Puis que Boston avait un joueur de talent pour les mener loin. Écoute, 22 lancés, 3 buts. Là-dessus, il y a deux lancers en tir de barrage. Le gars, il a la meilleure moyenne là, hier. Il y a 9% de ses buts qui ont de ses tirs qui ont passé. Tim Thomas, c'est vraiment tout un gardien. C'est lui, entre autres, qui a sauvé les meubles là, à quelques reprises pour l'Est lors de la fin du match. Oui, il y a eu des super arrêts-clés. Il y a eu des jeux où est-ce que normalement un gardien s'en serait pas vraiment sorti. Bon, 3 buts en 22 lancés, faut quand même comprendre que ce n'est que des All-Stars qui te shootent dessus. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, faut que la rondelle rentre. Mais regarde, si tu vas avec notre ami Carey Price, 2 buts en 11 lancés, 18%, c'est à peu près la moyenne. D'à peu près tous les gardiens. Autre pour Ludvix, qui était notre deuxième gardien de but pendant la deuxième période. 6 buts en 21 lancés, un désastre. 28%, ça a comme... Je pense qu'hier, Tim Thomas a prouvé que c'était le gardien de but, contrairement à ce qu'on dit de notre ami Carey Price, qui est le meilleur, là. Je pense que Tim Thomas a prouvé que c'était lui le gardien de but cette année dans la Ligue nationale de hockey, puis qu'il allait aider les Bruins à continuer comme il était présentement. Mais là, je me demande bien qu'est-ce qui va arriver avec Carey Price au retour du match des étoiles, parce que là, faut pas oublier une chose. Oui, bon, le week-end des étoiles, c'était à Montréal en fin de semaine, tout est beau, mais maintenant, on s'en va dans le sud. On s'en va à Tampa Bay, en fait, mardi prochain, affronter nul autre que Vincent Le Cavalier. Oui, Martin Saint-Louis, mais Saint-Louis hier, 2 buts, le cavalier. Ben aucun point. Ouais, aucun point. Il n'a rien fait. Je sais pas ce qui va se passer avec les joueurs qui ont rien fait hier. Hein? Parce qu'on a un ami aussi à Montréal qui s'est pogné le beigne pas mal hier au match des étoiles. Et de qui tu parles? Commissarek. Ouais, puis en plus de ça, il a pogné une pénalité à la fin du match. C'est ça, regarde. Kovalev, taux du chapeau avec son nom fusillade, une passe, joueur du match. Il a gagné le Under Rich Line, il va le vendre pour sa fondation. Markov, un but l'année passée, il avait fait un but aussi. Puis Komisarek, aucun but, aucune passe, une punition à 2 minutes de la fin pendant la prolongation. Puis il a mérité. Ah, ben là, il mérite pas vraiment son voyage dans le sud, je comprends bien. Non, moi, la manière que je vois ça, là, je pense que si Carbo a su une chose hier pendant qu'il parlait avec les commentateurs à RDS, c'est que Komisarek est probablement dû pour être benché pendant une couple de temps. Ah, ça, il a rien fait. Il était au match des étoiles, il y avait son coach. Il n'y a aucune défaite, ce gars-là, de ne pas avoir au moins une passe. Mm-hmm. Pour en revenir à ce qu'on disait, c'est deux matchs qui sont très, très importants là, pour le Canadien de Montréal, parce que avant le match des étoiles, on a subi deux revers à l'étranger. Oui. Là, c'est 4-4 à l'étranger, donc on se doit d'aller chercher 4 points, là, 2 contre le Lightning. Et le Lightning va drôlement bien ces temps-ci. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs en fin de semaine, je ne sais pas si tu as été mis au courant, que le Cavalier aurait pu être échangé du côté d'Edmonton. Et effectivement, oui, ça s'est parlé. Mais tu sais, le Cavalier vient à Montréal, là. Des rumeurs, ça, on ben, est fort là-dessus. C'est un rêve, Yannick. C'est seulement qu'un rêve, je pense. Actuellement, je pense que le Lightning de Tampa Bay ne peut pas se permettre. D'autant plus que l'équipe va bien au moment où on se parle. Au début de la saison, ça allait pas bien, mais maintenant, l'équipe va bien. Et par la suite, il y a les Panthers de la Floride également là qu'on va affronter. De mémoire, on a perdu la dernière partie le 4 janvier dernier au Centre Bell face aux Panthers de la Floride. Je me rappelle pas du pointage par contre. Et après ça, on va affronter pour terminer le mois samedi prochain les Kings de Los Angeles au Centre Bell. Donc il y a quand même 3 matchs importants à venir. Et, oui, dont un qui joue dans l'après-midi aussi. L'après-midi, le soir, il y a une grosse différence quand les joueurs jouent. Ben le match contre les Kings de Los Angeles se joue à 14h au Centre Bell le samedi prochain en après-midi. C'est ça. Et puis contre les Bruins de Boston aussi le dimanche 1er février à 14h toujours. C'est le week-end du Super Bowl, hein? Fait que le hockey passe en second pour la seule et unique fois, je pense, dans toute la saison sportive. Moi, j'aimerais avoir ton opinion. Je sais pas si tu as eu l'occasion de remarquer ça quand on a présenté les joueurs. Je pense que c'était plutôt dans la journée de samedi au Centre Bell. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté le volume de la musique lorsqu'on a présenté Vincent Le Cavalier, parce que les partisans criaient trop fort. Et même, il y a une anecdote là-dessus qui a été sortie quelques secondes plus tard. Ouais. Il manquait de volume à la musique. Il manquait de volume en général. 1 à 10 là, normalement sur un bouton là, de volume. Oh, là. Ouais. Bon, ben, il aurait peut-être fallu un 15 ou un 20. Ah, OK, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, ben, c'est ça, parce que les partisans qui criaient vraiment fort quand Vincent a eu ça, c'était prévisible. On a juste à penser que lorsque les joueurs sont arrivés à l'aéroport vendredi ou jeudi, en fait, Vincent Le Cavalier, qui est attendu de pied ferme par plusieurs partisans, c'est sûr qu'à quelque part, ça fait chaud au cœur, mais de voir Michel Lacroix aussi, qui l'annonce un peu plus... J'ai trouvé qu'il avait un peu plus d'intonation que les autres joueurs. Vraiment, là, c'était le numéro 4, Vincent Le Cavalier. C'est un peu... ça, sa mise en évidence du nom ressemblait pas mal à Sakou Koivu. C'est ça, exactement. Ou à c'est Jacques ça. Plante, qu'on a déjà eu, Maurice Richard. C'est ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Puis, le phénomène Le Cavalier, moi, ce que je dis qu'il va devenir, là, c'est que ce gars-là va devenir le joueur de hockey le plus populaire de Montréal, mais il n'aura jamais joué pour l'organisation. Oui, c'est bon, ben, en tout cas, moi, on peut continuer de rêver quand même pour Vincent Le Cavalier. Je suis sûr que le rêve va devenir réalité à un moment donné. Il est encore jeune, Le Cavalier, c'est juste que le gros problème, c'est que Tampa ne sont pas capables de mettre un prix dessus. Et Le Cavalier, ça ne tente pas vraiment de partir de Tampa Bay. Il y a une clause de non-échange dans son contrat. Il l'a dit encore hier, je suis bien à Tampa Bay. Puis oui, il y a une clause de non-échange, puis il ne veut pas l'utiliser. C'est ça. Il veut rester là, fait que n'en dis pas combien il vaut, le gars. Il va te donner des prix de fou pour pas échanger parce que il est bien à Tampa Bay. Écoute, entre toi puis moi, Tampa Bay, c'est une équipe qui est quand même assez francophone québécoise, là. Oui. Fait qu'il est pas trop étranger là-bas. Il y a du monde qui parle sa langue, puis même encore là, avec les années, Le Cavalier s'est mis à parler très bien l'anglais, inquiétez-vous pas. Non, oui. Le Cavalier. Il s'ennuie pas de nous autres. C'est Vincent Le Cavalier. C'est ça, oui. Et on peut parler peut-être un peu un autre week-end pour les amateurs de sport, en fait. Le week-end qui s'en vient, c'est le Super Bowl. Ça va être une grosse fin de semaine, Yannick. Oui, grosse fin de semaine. Gros match dimanche prochain, à compter de 18h sur pas mal tout les canaux de sport. Et on ne parle pas d'un 4-7, un 2-3. Ce n'est qu'un seul match. Ça passe ou ça casse. Est-ce que c'est les Cards de l'Arizona ou les Steelers de Pittsburgh qui vont remporter le super trophée? Moi, je mise sur les Cards de l'Arizona. OK, ouais. Ben, pour te contrarier, je vais miser sur les Steelers. Ben, écoute, t'as peut-être un meilleur point que moi pour une meilleure chance que moi parce que les Steelers sont à leur sixième présence au Super Bowl et ils en ont gagné cinq. Donc, okay, la nervosité de l'équipe est pas mal basse. OK, mais moi... D'un autre côté, t'as six présences au Super Bowl, t'en as gagné cinq, t'es mieux de gagner la sixième, tu sais? Ouais, effectivement, mais... T'as une réputation à tenir. Par contre, les Cards, première participation, sont nerveux dans le tapis, les gars sont jamais capables de toucher au ballon tellement qu'ils shake. Ah, tu penses ça? J'ai l'impression qu'ils vont gagner. Tu penses ça? Oui, oui. Ben, ça sera... La pression est là pour les Cards. Ce sera à voir. Donc, cette fin de semaine, c'était fou. Il ne faut pas manquer ça. D'ailleurs, on vous invite, les auditeurs, du côté du Resto Bar, le Zonix, on va diffuser ce Super Bowl. Il y aura plusieurs spéciaux, entre autres, là, sur les hot dogs, également, les ailes de poulet. Puis, il y aura un gros party. Donc, on vous invite en grand nombre à l'aréna. Pas à l'aréna, mais plutôt à l'auditeur. Pas à l'auditorium, au Resto Bar, le Zonix. C'est moi qui mets du café dans mon bel air. Ouais, c'est ça qui a de la misère à parler. Mais non, ce matin, c'est vraiment mon réveil en retard. C'est toujours comme ça. Lundi matin, là, c'est toujours comme ça. Je me lève en retard, puis je me fourre dans mes mots. Oui, mais là-dessus, je vais te laisser sur la superbe philosophie que je suis depuis longtemps. Bon, on peut pas tout le temps le faire à 100%, mais c'est assez efficace. Aujourd'hui, c'est lundi, mais prends ça comme un dimanche. Ben ouais, c'est ça. Puis, comme moi je disais ce matin, ben, il existe les lundis pour mieux apprécier le vendredi. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ben là, celle-là, je l'avais jamais entendue. Non, mais je l'ai inventée en m'en venant dans le mur ce matin. Ouais, mais ça risque d'être de devenir une de mes phrases fétiches favorites sur Facebook. Ah ouais? Ah, c'est bon ça. Hey, je vais te souhaiter une bonne semaine, Yannick. On se reparle lundi. Oui, vous autres aussi, bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye.